Le rap me fait perdre patience, donc je déboule. J'en ai marre de me répéter, à force ça va me casser les couilles. Vous allez voir c'est quoi Broly quand il s'énerve. Vas-y envoie l'instru que je fasse taire toutes ces merdes. J'augmente le niveau à chaque son c'est tendu. Les MC écoutent ma zik, le plus sensible c'est pendu. L'histoire c'est que je suis toujours là, peu importe la force de frappe. Et dans le rap moi je mets des claques un peu comme dans un sac de frappe. Tu te rappelles je te l'avais dit que j'allais vous étonner. J'ai pas suivi les règles du rap sinon je vous aurais mitonné. À ce que j'entends votre rap game est over. J'suis toujours pas à fond pourtant je te fais vivre l'horreur. Toujours un pied dans le quartier malgré l'absence. Chez moi rien n'a changé, de la rue j'ai gardé l'accent. 1-3 Marseille, j'oublierai pas le bloc 17. Tellement de vécu à la sauva que je pourrais t'en faire une tisserte. J'parle pas de mon passé, on pourrait croire que je me vante. J'suis pas fier de certaines choses mais moi je parle pas dans le vent. Avant j'comprenais rien et comme un con j'étais naïf. J'ai appris qu'il y a pas d'amis donc j'ai compris ce qu'était la hip. C'est toujours pareil, on veut tous des grosses pécanes. Viens de là où ça pue la piste, bien sûr là où les gosses déraillent. Là où y'a rien à faire à pas s'enfumer la tête. Là où y'a rien de joyeux cousin, même pas les jours de fête. C'est toujours la même chose, ils fument tous la même drogue. Et au final s'entretuent car ils posent sur les mêmes prods. J'écris, j'efface, j'évite les crasses, les vite, les bas sont vite très nasses. Mes titres, mes faces, c'est de la tuerie, du coup je kick et me casse. Cousin n'attends pas le refrain, y'en aura pas. T'as pas de vécu, tu te la racontes, on ne rappe pas. J'suis une rap face, partout où j'passe on me critique. On met des bâtons dans les roues alors du coup j'roule en tricycle. Ceux qui me soutiennent, j'leur ai promis que j'allais percer. Que si la gloire vient pas à moi, c'est moi qui irai la chercher. C'est pour les bonhommes qui portent leur couille en cas de coup dur. Pour les vrais ceux qu'on l'arrache, pas ceux qui font de la couture. Et ouais frérot, comme tu le vois j'ai rien lâché. On me déteste mais j'comprends pas, moi j'me suis jamais fait clasher. J'prends la route en contresens en évitant de me faire flasher. Les condés nous cassent les couilles, faut éviter qu'ils nous fassent chier. Mais c'est qui là, j'représente la jeunesse. Celle qui est dans la merde, pas celle qui fait du rap à Genève. J'ai toujours travaillé dur pour obtenir ce que j'voulais. J'aimais pas aller en cours, pourtant j'voulais apprendre à rouler. La vie c'est pas une pute, faut juste apprendre à s'en servir. Mon frère, j'ai plus d'espoir, j'compte sur le rap pour me faire vivre. J'espère que ça se fera un jour ou l'autre, j'irai en haut. Que sur les pages publicitaires, mon blast sera écrit en gros. J'vois pas plus loin que le bout de mon nez, car aujourd'hui la gloire s'y pend. On nous a tous déniqué, dis-toi qu'un homme en fait si franc. J'oublierai pas d'où j'viens, mais maintenant j'regarde où j'vais. Nique le passé, ça c'est la base, faut que tout le monde soit bouche bée. J'suis resté authentique comme à l'ancienne avec ma stress. Nos sons tournaient tellement qu'on aurait pu rendre folle la presse. J'avais 12 ans quand j'ai écrit mon premier texte. Maintenant qui veut me tester, à ce qui paraît c'est moi le best. Au fait, n'oubliez pas mon blast, B-R-E-L-I-K. Les insurgés ça c'est la base, t'inquiète j'oublierai pas Mika. Si tu trouves mes sorts hardcore, dis-toi sérieux j'suis pas à fond. Que le jour où ça sera le cas, poto j'atteindrai le plafond. J'suis simple et j'vois que ça gêne pas mal de gens. Y'a trop de rageux, faudrait que je casse pas mal de jambes. J'annonce la fin du son car mon style on a plus d'encre. Signé en taux de la sauvage, y'a ce petit cancre. Cancre, cancre, cancre.